Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes du Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission différée, qui a été enregistrée un petit peu plus tôt dans la semaine. Mais la qualité, elle, est toujours originale, bien au rendez-vous. Une émission un peu spéciale, parce que c'est la 555 before the 666. Et voilà, c'est la 555e émission. Ça démarre déjà très très fort, c'est parfait. Des petites nouveautés, la formation américaine Brat, on aura les Européens de Vulture, les Français de Take It In Blood, et quelques autres formations que je prendrai le temps de vous présenter tout au long de l'émission de ce soir. La première doublette est ouverte par Aedeus Divinity, le groupe de Brutal Tech Death qui nous vient d'Italie. Le cinquième album vient de voir le jour, 4 ans et demi, après le dernier album studio. Bon, il y a quand même eu un petit EP entre temps. Une bonne grosse pavasse de 50 minutes, toujours aussi inspirée, intense, créative et brutal et tech. Voilà, un des fleurons vraiment de la scène italienne en la matière. En doublette, on a le groupe allemand Vulture, groupe de true metal speed trash actif depuis 2015, qui vient de sortir le quatrième album studio, toujours chez Metal Blade. Une dizaine de morceaux, pour 40 minutes de leur recette toujours aussi old school et efficace. Au niveau du chant, ça scream à fond de cale et c'est du up tempo tout du long. Voilà, on n'est cependant pas dans le truc redondant et trop facile, et puis au niveau des compos, ça reste bien tubesque. Donc encore une belle réussite, ce nouvel effort studio de Vulture. Au niveau de la sélection musicale, Aedeus Divinity, le titre quasi sentient de l'album Unextinct, Vulture, Unallowed and Forgotten, extrait de l'album donc Sentinel, qui vient tout juste de sortir. C'est parti, bienvenue à toutes dans l'émission, let's go. We'll be right back. la doublette suivante, grand écart stylistique et grand écart géographique avec la doublette Conservative Military Image et Dot Street. Conservative, tout d'abord, formation assez récente qui nous vient des US. On est sur de la hardcore qui nous vient de Boston à Chicago. Le nouvel EP qui vient de sortir déboule chez Triple B. Voilà, les premières productions du groupe remontent seulement à 2022. Voilà, un paquet d'EP et déjà un album en à peine 2 ans d'existence, hyper prolifique et hyper efficace. Donc voilà, un petit EP 5 titres pour 15 minutes de cette recette hyper efficace. Et c'est du sing-along du début à la fin de cette EP. Dot Street ensuite, groupe de Epic Black Death Crust qui nous vient de Suède, formé en 2017. C'est le 4e album studio, également une formation hyper prolifique. Des compos assez longues, 4 sur cet album, qui vont de 8 à 10 minutes. Et par-ci par-là, une interlude, des compos instru, etc. C'est toujours une bonne grosse branlée mélodique Black Death qui nous vient de Suède, avec une grosse vibe crust-punk hardcoreisante dans le fond. Un cocktail hyper efficace, et ça nous donne des morceaux d'une qualité époustouflante, une fois de plus, sur ce nouvel effort studio de Dot Street. Au niveau des titres choisis, Conservative Military Image, Bootlicker Baby Killer, extrait de l'EP No Squares in Our Circle, Dot Street Nocturnal Fire, extrait de l'album Nocturnal Wheel. C'est parti. We'll be right back. Nekrot et Vorga pour la suite de la diff. Pareil, un grand écart de style et grand écart géographique. Nekrot, tout d'abord, ça nous vient des US. On est sur du death plutôt old school et bien crado. Ça nous vient de Californie. Le groupe existe depuis une bonne douzaine d'années. C'est salace, c'est groovy. Et c'est plutôt travaillé comme death, voilà, de grosse inspiration old school, vraiment qui va chercher dans les années 90 jusque dans la prod. Et Vorga ensuite du black, du spatial black qui nous vient d'Allemagne, actif depuis une dizaine d'années. C'est le second Effort Studio qui vient de sortir. Toujours un visuel grandiose signé Adam Burke. Et en termes de qualité musicale, bah on perd absolument rien au niveau des ambiances, au niveau de la richesse globale. Et le tempo est toujours très soutenu. Au niveau des titres qu'on va s'écouter tout de suite, Nekrot Superior, extrait de l'album Leafless Birth. Vorga ensuite, Void Death, extrait de l'album Beyond the Palace Star. C'est parti. This is like real. pour la suite, un groupe qu'on aime beaucoup dans l'émission Attic, la formation très très très inspirée et qui rend un superbe hommage à la carrière de King Diamond, Mercyful Fate. Ça nous vient d'Allemagne, on est sur du heavy occult qui va bientôt fêter ses 15 ans. C'est le troisième effort studio qui vient de sortir. Il y a quand même une belle identité musicale derrière, mais l'hommage, l'inspiration vient directement de la formation danoise. C'est du heavy trad un peu épique, un peu plus extrême par moment, doumisant sur le global et toujours très occulte. Et puis ce chant absolument incroyable. Blaze of Perdition, ensuite, c'est du black, ça nous vient de Pologne, la formation est active depuis une vingtaine d'années. C'est le sixième effort studio qui vient de sortir, toujours chez Metal Blade, 5 titres pour 40 minutes, des compos donc généreuses, vous l'aurez compris. Et pour la toute première fois sur cet album, les textes sont en polonais. Alors, on avait déjà eu, égrené par-ci par-là sur d'anciens albums, quelques compos dans leur langue d'origine. Là, c'est un album 100% chanté en polonais. Ça va encore renforcer l'identité de cette scène black polonaise. Et c'est froid, c'est incisif, hypnotique, légèrement atmosphérique, mais toujours qualitatif, la musique de Blaze of Perdition. Au passage, c'est une nouveauté dans l'émission de ce soir. Attic, on écoutera The Baleful Baron, extrait de l'album Return of the Witchfinder. Blaze of Perdition, Preds Rani, extrait de l'album Upherzin. Et tout ça, c'est déjà dispo. On ouvre l'aspect française avec une nouveauté qui nous vient de la région parisienne, Take It In Blood, qu'on a eu l'occasion de découvrir l'année dernière en live sur la scène du Temps Machine. Take It In Blood, c'est du 90 hardcore, made in Paris City. Le tout premier EP vient juste de sortir sur le label anglais Quality Control. 5 compos, c'est globalement old school. C'est du heavy, enfin c'est du hardcore ultra heavy, avec des petites influences oi punk et puis un flow vocal voilà, qui oscille entre le hip-hop new-yorkais des années 90 et cette grosse vibe oi. Voilà, ça tabasse bien comme il faut, Take It In Blood, et puis un énorme travail au niveau des guitares. Arrow aura ensuite la formation Tourangelle qui vient tout juste de faire son second effort studio longue durée. Un album un peu plus court que le précédent, mais beaucoup plus radical, frontal dans leur approche. Ça reste toujours du métal moderne assez technique et plutôt riche. Et ça nous donne en plus l'occasion de diffuser un style que l'on a assez peu de représenter dans l'émission. Take It In Blood, Straight to the Mass Grave, extrait de l'EP Roadmap of Pain, pardon. Arrow Aura, Unsung Heroes, extrait de l'album The 12th Hour, c'est parti.